David Copperfield, livre 1, chapitre 26. Me voilà en captivité. Je ne vis plus Uriah Heep jusqu'au jour du départ d'Agnès. J'étais au bureau de la diligence pour lui dire adieu et la voir partir, et je la trouvais là qui retournait à Canterbury par le même véhicule. J'éprouvais du moins une petite satisfaction à voir cette redingote marron trop courte de taille, étroite et mal fagotée, en compagnie d'un parapluie qui ressemblait à une tente, plantée au bord du siège de derrière sur l'impérial, tandis qu'Agnès avait naturellement une place d'intérieur. Mais je méritais bien cette petite indemnité pour la peine que je pris de faire l'aimable avec lui pendant qu'Agnès pouvait nous voir. À la portière de la diligence, de même qu'au dîner de Mistress Waterbrook, il planait autour de nous sans relâche, comme un grand vautour, dévorant chaque parole que je disais à Agnès ou qu'elle me disait. Dans l'état de trouble où m'avait jeté la confidence qu'il m'avait faite au coin de mon feu, j'avais réfléchi souvent aux expressions qu'Agnès avait employées en parlant de l'association. J'ai fait, j'espère, ce que je devais faire. Je savais qu'il était nécessaire pour le repos de papa que ce sacrifice s'accomplît et je l'ai engagé à le consommer. J'étais poursuivie depuis par le triste pressentiment qu'elle céderait à ce même sentiment et qu'elle y puiserait la force d'accomplir tout autre sacrifice par amour pour son père. Je connaissais son affection pour lui. Je savais combien sa nature était dévouée. J'avais appris d'elle-même qu'elle se regardait comme la cause innocente des erreurs de M. Wickfield, qu'elle croyait avoir ainsi contracté envers lui une dette qu'elle désirait ardemment d'acquitter. Je ne trouvais aucune consolation à remarquer la différence qui existait entre elle et ce misérable Rousseau en redingote marron, car je sentais que le grand danger venait précisément de la différence qu'il y avait entre la pureté et le dévouement de son âme et la bassesse sordide de celle d'Uria. Il le savait bien, et il avait sans doute fait entrer tout cela en ligne de compte dans ses calculs hypocrites. Cependant, j'étais si convaincue que la perspective lointaine d'un tel sacrifice suffirait pour détruire le bonheur d'Agnès, et j'étais tellement sûre, d'après ses manières, qu'elle ne se doutait encore de rien, et que cette ombre n'était pas encore tombée sur son front, que je ne songeais pas plus à l'avertir du coup dont elle était menacée qu'à lui faire quelque insulte gratuite. Nous nous séparâmes donc sans aucune explication. Elle me faisait des signes et me souriait à la portière de la diligence pour me dire adieu, pendant que je voyais sur l'impérial son mauvais génie qui se tortillait de plaisir, comme s'il l'avait déjà tenue dans ses griffes triomphantes. Pendant longtemps, ce dernier regard jeté sur eux ne cessa de me poursuivre. Quand Agnès m'écrivit pour m'annoncer son heureuse arrivée, sa lettre me trouva aussi malheureux de ce souvenir qu'au moment même de son départ. Toutes les fois que je tombais dans la rêverie, j'étais sûre que cette vision allait encore m'apparaître et redoubler mes tourments. Je ne passais pas une seule nuit sans y rêver. Cette pensée était devenue une partie de ma vie, aussi inséparable de mon être que ma tête l'était de mon corps. J'avais tout le temps de me torturer à mon aise, car Steerforth était à Oxford, m'écrivait-il, et quand je n'étais pas à la cour des Commons, j'étais presque toujours seule. Je crois que je commençais déjà à me sentir une secrète méfiance de Steerforth. Je lui répondis de la manière la plus affectueuse, mais il me semble qu'au bout du compte, je n'étais pas fâchée qu'il n'eût pas pu venir à Londres pour le moment. Je soupçonne qu'à dire le vrai, l'influence d'Agnès n'étant plus combattue par la présence de Steerforth, agissait sur moi avec d'autant plus de puissance qu'elle tenait plus de place dans mes pensées et mes préoccupations. Cependant, les jours et les semaines s'écoulaient. J'avais décidément pris place chez Messieurs Spenlow et Jorkins. Ma tante me donnait 80 livres sterling par an, payait mon loyer et beaucoup d'autres dépenses. Elle avait loué mon appartement pour un an, et quoi qu'il m'arrivât encore de le trouver un peu triste le soir et les soirées bien longues, j'avais fini par me faire une espèce de mélancolie uniforme et par me résigner au café de Mistress Krupp, et même par l'avaler, non plus à la tasse, mais à grands sauts, autant que je me rappelle cette période de mon existence. Ce fut à peu près à cette époque que je fis aussi trois découvertes. La première, c'est que Mistress Krupp était très sujette à une indisposition extraordinaire qu'elle appelait des spasmes, généralement accompagnée d'une inflammation dans les fosses nasales et qui exigeait pour traitement une consommation perpétuelle d'absinthe. La seconde, c'est qu'il fallait qu'il y eût quelque chose de particulier dans la température de mon office qui fit casser les bouteilles d'eau-de-vie. Enfin, je découvris que j'étais seule au monde et j'étais fort enclin à rappeler cette circonstance dans des fragments de poésie nationale de ma composition. Le jour de mon installation définitive chez Messieurs Spenlow et Jorkis ne fut marqué par aucune autre réjouissance, si ce n'est que je régalais les clercs au bureau de sandwichs et de xérès et que je me régalais tout seul le soir d'un spectacle. J'allais voir L'étranger comme une pièce qui ne dérogeait pas à la dignité de la cour des Doctors Commons et j'en revins dans un tel état que je ne me reconnaissais plus dans la glace. Monsieur Spenlow me dit à l'occasion de mon installation, en terminant nos arrangements, qu'il aurait été heureux de m'inviter à venir passer la soirée chez lui à Norwood, en l'honneur des relations qui s'établissaient entre lui et moi, mais que sa maison était un peu en désordre parce qu'il attendait le retour de sa fille qui venait de finir son éducation à Paris. Mais il ajouta que lorsqu'elle serait arrivée, il espérait avoir le plaisir de me recevoir. Je savais en effet qu'il était resté veuf avec une fille unique. Je le remerciais de ses bonnes intentions. Monsieur Spenlow tint fidèlement sa parole. Une quinzaine de jours après, il me rappela sa promesse en me disant que si je voulais lui faire le plaisir de venir à Norwood le samedi suivant pour y rester jusqu'au lundi, il en serait extrêmement heureux. Je répondis naturellement que j'étais tout prêt à lui donner ce plaisir et il fut convenu qu'il m'emmènerait et me ramènerait dans son phaéton. Le jour venu, mon sac de nuit même devint un objet de vénération pour les employés subalternes pour lesquels la maison de Norwood était un mystère sacré. L'un d'eux m'apprit qu'il avait entendu dire que le service de table de M. Spenlow se composait exclusivement de vaisselle d'argent et de porcelaine de Chine, et un autre qu'on y buvait du champagne tout le long du repas, comme on boit de la bière ailleurs. Le vieux clerc à perruque qui s'appelait M. Tiffet avait été plusieurs fois à Norwood pour affaires, dans le courant de sa carrière, et dans ses occasions solennelles, il avait pu pénétrer jusque dans la salle à manger, qu'il décrivait comme une pièce des plus somptueuses, d'autant plus qu'il y avait bu du xérès brun de la Compagnie des Indes, d'une qualité si particulière qu'il en faisait venir les larmes aux yeux. La cour s'occupait ce jour-là d'une affaire qui avait déjà été ajournée. Il s'agissait de condamner un boulanger qui avait fait opposition dans sa paroisse à une taxe pour le pavage, et comme le dossier était deux fois plus long que Robinson Crusoe, d'après un calcul que j'avais fait, cela ne put finir qu'un peu tard. Pourtant, le boulanger fut mis au banc de la paroisse pour 6 mois et obligé de payer des frais de toute espèce, après quoi le procureur du boulanger, le juge et les avocats des deux parties, qui étaient tous des parents très proches, s'en allèrent ensemble à la campagne pendant que je montais en phaéton avec M. Spenlow. Ce phaéton était très élégant. Les chevaux se rengorgeaient et levaient les jambes comme s'ils savaient qu'ils appartenaient aux Doctors Commons. Il y avait beaucoup d'émulation parmi ces messieurs à qui ferait le plus d'embarras et nous pouvions nous vanter d'avoir là des équipages joliment soignés. Quoique j'ai toujours cru, comme je le croirais toujours, que de notre temps le grand objet d'émulation pour les docteurs de la cour était l'emploi, car je ne doute pas que les procureurs n'en fissent alors une aussi grande consommation que peut le comporter la nature humaine. Notre petit voyage pour nous rendre à Norwood fut donc très agréable et M. Spenlow profita de cette occasion pour me donner quelques avis sur ma profession. Il me dit que c'était la profession la plus distinguée, qu'il fallait bien se garder de la confondre avec le métier d'avoué, que cela ne se ressemblait pas, que la nôtre était infiniment plus spéciale, moins routinière et rapportait de plus beaux profits. Nous traitions des choses beaucoup plus à notre aise aux Commons, comme on ne pouvait les traiter ailleurs, et ce privilège seul faisait de nous une classe à part. Il me dit qu'à la vérité, nous ne pouvions pas nous dissimuler, ce qui était bien désagréable, que nous étions surtout employés par des avoués. Mais il me donna à entendre que ce n'en était pas moins une race de gens bien inférieure à la nôtre, et que tous les procureurs qui se respectaient les regardaient du haut en bas. Je demandai à M. Spenlow quelle était, selon lui, la meilleure espèce d'affaire dans la profession. Il me répondit qu'un bon procès sur un testament contesté, quand il s'agissait d'une petite terre de 30 à 40 000 livres sterling, était peut-être ce qu'il y avait de mieux. Dans une affaire de cette espèce, il y avait d'abord à chaque phase de la procédure une bonne petite récolte de profit à faire par voie d'argumentation. Puis les dossiers de témoignages s'entassaient les uns sur les autres à chaque interrogatoire, pour et contre, sans parler des appels qu'on peut faire d'abord à la Cour des délégués et de là à la Chambre des Lords. Mais comme on est à peu près sûr de retrouver les dépenses sur la valeur de la propriété, les deux parties vont gaillardement de l'avant, sans s'inquiéter des frais. Là-dessus, il se lança dans un éloge général de la Cour des Commons. Ce qu'il y a le plus à admirer dans la Cour des Doctors Commons, disait-il, c'est la concentration des affaires. Il n'y a pas de tribunal aussi bien organisé dans le monde. On a tout sous la main, dans une coquille de noix. Par exemple, on porte devant la Cour du consistoire une affaire de divorce ou une affaire de restitution. Très bien. Vous commencez par essayer de la cour du consistoire. Cela se passe tranquillement, en famille. On prend son temps. À supposer qu'on ne soit pas satisfait de la cour du consistoire, que fait-on? On va devant la cour des Arches. Qu'est-ce que la cour des Arches? La même cour, dans le même local, avec la même barre, les mêmes conseillers. Il n'y a que le juge de changer, car le premier juge, celui de la cour du consistoire, peut revenir plaider ici, quand cela lui convient, devant la cour des Arches, comme avocat. Ici, on recommence le même jeu. Vous n'êtes pas encore satisfait? Très bien. Alors, que fait-on? On se présente devant la cour des délégués. Qu'est-ce que la cour des délégués? Eh bien, les délégués ecclésiastiques sont les avocats sans cause qui ont vu le jeu qui s'est joué dans les deux cours, qui ont vu donner, couper, jeter les cartes, qui en ont parlé à tous les joueurs et qui, en conséquence, se présentent comme des juges tout neufs à l'affaire pour tout régler à la satisfaction de tout le monde. Les mécontents peuvent parler de la corruption de la cour, de l'insuffisance de la cour, de la nécessité d'une réforme dans la cour. Mais, avec tout cela, dit solennellement M. Spenlow en terminant, plus le boisseau de grain est cher au marché, plus la cour a d'affaires évoquées devant elle. Et on peut dire au monde entier, la main sur la conscience, toucher seulement à la cour et c'en est fait du pays. J'écoutais avec attention et quoique je dois avouer que j'avais quelques doutes sur la question de savoir si l'État était aussi redevable à la cour que M. Spenlow le disait, je me soumis aussi respectueusement à ses opinions. Quant à l'affaire du prix du boisseau de blé, je sentis modestement que c'était un argument trop fort pour moi, mais qu'il n'en tranchait pas moins la question. Je n'ai pas pu me remettre encore, à l'heure qu'il est, de ce boisseau de blé. Il a reparu bien des fois durant ma vie, dans toutes sortes de questions, toujours pour m'écraser. Je ne sais pas encore ce qu'il me veut, ni quel droit il a de venir m'opprimer dans une infinité d'occasions, mais toutes les fois que je vois arriver sur la scène mon vieil ami, le boisseau de blé, toujours amené là autant que je puis croire, comme des cheveux sur la soupe, je regarde la cause comme perdue, sans ressources. Mais ceci n'est qu'une digression. Je n'étais pas homme à toucher à la cour et à bouleverser le pays. J'exprimais donc, par un silence modeste, l'assentiment que je donnais à tout ce que je venais d'entendre dire, à mon supérieur en âge et en connaissance. Et la conversation roula bientôt sur le drame et sur l'étranger, puis sur les chevaux du phaéton jusqu'au moment de notre arrivée devant la porte de M. Spenlow. Un très joli jardin s'étendait devant la maison, Et quoique la saison ne fût pas favorable pour voir un jardin, tout y était si bien tenu que je fus enchantée. La pelouse était charmante et j'apercevais dans l'obscurité des groupes d'arbres et de longues tonnelles couvertes sans doute de fleurs et de plantes grimpantes au retour du printemps. « C'est là que Miss Spenlow va se promener à l'écart, » me dis-je. Nous entrâmes dans la maison qui était joyeusement éclairée et je me trouvais dans un vestibule rempli de chapeaux, de paletots, de gants, de fouets et de cannes. « Où est Miss Dora ?» demanda M. Spenlow au domestique. « Dora, » pensais-je, « quel joli nom !» Nous entrâmes dans une pièce voisine, le fameux petit salon où le vieux clerc avait bu du xérès brun de la Compagnie des Indes, et j'entendis une voix qui disait « Ma fille Dora et mademoiselle l'amie de confiance de ma fille Dora, je vous présente M. Copperfield. » C'était sans doute la voix de M. Spenlow, mais je n'en savais rien, et peu m'importait. C'en était fait. Ma destinée était accomplie. J'étais captif, esclave. J'aimais Dora Spenlow à la folie. C'était pour moi comme un être surhumain, une fée, une sylphide, je ne sais quoi, quelque chose de tel qu'on n'a jamais rien vu de pareil, et que tout le monde en raffolait. Je disparus à l'instant dans un abîme d'amour. Je n'eus pas le temps de m'arrêter sur le bord, ni de regarder en avant ou en arrière. Je me précipitai la tête la première, avant d'avoir assez recouvré mes sens pour lui adresser la parole. « J'ai déjà vu Monsieur Copperfield, » dit une voix bien connue pendant que je saluais en murmurant quelques mots. Ce n'était pas Dora qui parlait, non. C'était son amie de confiance. « Miss Murdstone !» J'aurais bien dû m'étonner. Eh bien non, il me semble que je n'avais plus la faculté de m'étonner. Il n'y avait au monde que Dora Spenlow qui valut la peine qu'on s'étonnât pour elle. Je me mis à dire « Comment vous portez-vous, Miss Murdstone? J'espère que votre santé est bonne. »« Très bonne, » répondit-elle. « Et comment va Monsieur Murdstone ?» « Mon frère se porte à merveille, je vous remercie. » Monsieur Spenlow, qui avait, je suppose, été surpris de me voir en pays de connaissance, plaça ici son mot. « Je suis bien aise de voir, Copperfield, dit-il, que Miss Murdstone et vous, vous soyez d'anciennes connaissances. » « Nous sommes alliés, Monsieur Copperfield et moi, » dit Miss Murdstone d'un ton calme et sévère. Nous nous sommes un peu connus autrefois dans son enfance. Les circonstances nous ont séparés depuis lors. Je ne l'aurais pas reconnu. Je répliquais que je l'aurais reconnu n'importe où, ce qui était vrai. Miss Murdstone a eu la bonté, me dit Monsieur Spenlow, d'accepter l'office, si elle veut bien me permettre de l'appeler ainsi, d'amie confidentielle de ma fille Dora. Ma fille Dora étant malheureusement privée de sa mère, « Miss Murdstone veut bien lui accorder sa compagnie et sa protection. » À propos de protection, il me passa une idée par la tête. C'est que Miss Murdstone, comme ses pistolets de poche appelés « Life Preserver », était plutôt faite pour l'attaque que pour la protection de personne. Mais c'est une idée qui ne fit que passer dans l'esprit, comme toutes celles qui ne se rapportaient pas à Dora, que je regardais à l'instant même. Et il me sembla voir dans ses petites manières un peu volontaires et capricieuses qu'elle n'était pas très disposée à mettre sa confiance dans sa compagne et protectrice, mademoiselle Murdstone. Mais une cloche sonna. Monsieur Spenlow dit que c'était le premier coup pour le dîner et me conduisit dans ma chambre. Le moyen de s'habiller ou de faire quelque chose qui exigeât le moindre soin quand on était plongé dans ce rêve d'amour. C'eût été par trop ridicule. Tout ce que je pus faire, ce fut de m'asseoir devant le feu, la clé de mon sac de nuit entre les dents, incapable de toute autre chose que de penser à cette petite Dora, à sa grâce, à ses charmes, à ses yeux brillants. Quelle taille, quel visage, quelles manières enchanteresses, gracieuses jusque dans leurs caprices. La cloche sonna si vite le second coup, que j'eus à peine le temps d'enfiler, comme je pus, mes habits, au lieu d'accomplir cette opération avec le soin que j'aurais voulu y apporter dans cette circonstance et je descendis. Il y avait quelques personnes dans le salon. Dora parlait à un vieux monsieur en cheveux blancs, en dépit de ses cheveux blancs et de ses arrière-petits-enfants, car il se disait lui-même bisaïeul. J'étais horriblement jaloux de lui. Quel état d'esprit que celui dans lequel j'étais plongée. J'étais jaloux de tout le monde. Je ne pouvais supporter l'idée que quelqu'un connût M. Spenlow mieux que moi. C'était une torture pour moi que d'entendre parler d'événements auxquels je n'avais pas pris part. Un monsieur parfaitement chauve, à tête luisante, fort aimable du reste, s'étant avisé de me demander à travers la table si c'était la première fois que je voyais le jardin, dans ma colère féroce et sauvage, je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Je ne me rappelle pas les autres convives, je ne me rappelle que Dora. Je n'ai aucune idée de ce qu'on servit au dîner, je ne vis que Dora. Je crois vraiment que je dînais de Dora uniquement et que je renvoyais une demi-douzaine d'assiettes sans y avoir touché. J'étais assis près d'elle, je lui parlais. Elle avait la plus douce petite voix, le petit rire le plus gai, les petites manières les plus charmantes et les plus séduisantes qui ait jamais réduit en servage un pauvre garçon éperdu. En tout, c'était une petite miniature. Elle n'en est que plus précieuse, me disais-je. Quand elle quitta la salle à manger avec Miss Murdstone, il n'y avait point là d'autres dames. Je tombai dans une douce rêverie qui n'était troublée que par une vive inquiétude de ce que Miss Murdstone pouvait dire de malveillant sur mon compte. Le monsieur aimable et chauve me raconta une longue histoire d'horticulture, je crois. Il me semble que je l'entendis me répéter plusieurs fois « mon jardinier ». J'avais l'air de lui prêter l'attention la plus soutenue, mais en réalité, j'errais pendant tout ce temps dans le jardin d'Éden avec Dora. Mes craintes d'être desservie auprès de l'objet de toutes mes affections se ranimèrent quand nous rentrâmes dans le salon à l'aspect du sombre visage de Miss Murdstone dans le lointain. Mais j'en fus soulagée d'une manière inattendue. « David Copperfield ?» dit Miss Murdstone en me faisant signe de venir la rejoindre près d'une fenêtre. « Un mot. » Je me trouvais en face de Miss Murdstone. « David Copperfield, » me dit Miss Murdstone, « je n'ai pas besoin de m'étendre sur nos affaires de famille. Le sujet n'est pas séduisant. » « Loin de là, mademoiselle, » répliquai-je. « Loin de là, » répéta Miss Murdstone. « Je n'ai aucun désir de rappeler des querelles passées et des injures oubliées. J'ai été outragée par une personne, par une femme. Je suis fâchée de le dire pour l'honneur de mon sexe, et comme je ne pourrais parler d'elle sans mépris et sans dégoût, j'aime mieux ne pas y faire allusion. » J'étais prêt à prendre feu pour ma tante. Cependant, je me contins et lui dis qu'il serait certainement plus convenable, si Miss Murdstone le voulait bien, de ne pas y faire allusion. J'ajoutai que je ne pouvais entendre parler d'elle qu'avec respect, qu'autrement je prendrais hautement sa défense. Miss Murdstone ferma les yeux, pencha la tête avec dédain, puis, rouvrant lentement les yeux, elle reprit « David Copperfield, je n'essayais pas de vous dissimuler que je me suis fait une opinion défavorable sur votre compte dans votre enfance. Je me suis peut-être trompée, ou bien vous avez cessé de justifier cette manière de voir. Ce n'est pas la question pour le moment. Je fais partie d'une famille remarquable, je crois, par sa fermeté, et je ne suis sujette ni à changer d'avis, ni à me laisser gouverner par les circonstances. » Puis avoir mon opinion sur votre compte. Vous pouvez avoir la vôtre sur le mien. » J'inclinai la tête à mon tour. « Mais il n'est pas nécessaire, » dit Miss Murdstone, « que ces opinions en viennent à une collision ici même. Dans les circonstances actuelles, il vaut mieux pour tout le monde qu'il n'en soit rien, puisque les hasards de la vie nous ont rapprochés de nouveau et que d'autres occasions du même genre peuvent se présenter. Je suis d'avis que nous nous traitions l'un l'autre comme de simples connaissances. Nos relations de famille éloignées sont une raison suffisante pour expliquer ce genre de rapport entre nous, et il est inutile que nous nous fassions remarquer. Êtes-vous du même avis ?»« Miss Murdstone, » répliquai-je, « je trouve que M. Murdstone et vous en avez usé cruellement à mon égard, et que vous avez traité ma mère avec une grande dureté. Je conserverai cette opinion toute ma vie, mais je souscris complètement à ce que vous proposez. » Miss Merston ferma de nouveau les yeux et pencha encore la tête. Puis, touchant le revers de ma main du bout de ses doigts roides et glacés, elle s'éloigna en arrangeant les petites chaînes qu'elle portait au bras et au cou, les mêmes et dans le même état exactement que la dernière fois que je l'avais vue. Je me rappelais alors, en pensant au caractère de Miss Merston, les chaînes et les fers qu'on met au-dessus de la porte d'une prison pour annoncer au dehors à tous les passants ce qu'on peut s'attendre à trouver au-dedans. Tout ce que je sais du reste de la soirée, c'est que j'entendis la souveraine de mon cœur chanter des ballades merveilleuses composées en français et dont la moralité était en général qu'en tout état de cause, il fallait toujours danser. Elle s'accompagnait sur un instrument enchanté qui ressemblait à une guitare. J'étais plongée dans un délire de béatitude. Je refusais tout rafraîchissement. Le punch en particulier révoltait tout mon être. Quand Miss Merston vint l'arrêter pour l'emmener, elle sourit et me tendit sa charmante petite main. Je jetai par hasard un coup d'œil sur une glace et je vis que j'avais l'air d'un imbécile, d'un idiot. Je revins à ma chambre dans un état d'imbécilité et je me levai le lendemain plongé toujours dans la même extase. Il faisait beau et comme je m'étais levée de grand matin, je pensais que je pouvais aller me promener dans une des allées en berceau et nourrir ma passion en contemplant son image dans mon cœur. En traversant le vestibule, je rencontrai son petit chien, qu'on appelait Jip, diminutif de Gypsy. Je l'approchai avec tendresse, car mon amour s'étendait jusqu'à lui, mais il me montra les dents, et il se réfugia sous une chaise en grognant, sans vouloir me permettre la plus légère familiarité. Le jardin était frais et solitaire. Je me promenais en rêvant au bonheur que j'éprouverais si j'étais jamais fiancée à cette merveilleuse petite créature. Quant au mariage et à la fortune, je crois que j'étais presque aussi innocent de toute pensée de ce genre que dans le temps où j'aimais la petite Émilie. Être admis à l'appeler Dora, à lui écrire, à l'aimer, à l'adorer, à croire qu'elle ne m'oubliait pas, même lorsqu'elle était entourée d'autres amis, c'était pour moi le nec plus ultra de l'ambition humaine, de la mienne au moins, bien certainement. Il n'y avait pas de doute que je ne fusse alors un pauvre garçon ridicule et sentimental, mais ces sentiments annonçaient une pureté de cœur qui m'empêche d'en mépriser absolument le souvenir, quelque risible qu'il me semble aujourd'hui. Je ne me promenais pas depuis bien longtemps quand au détour d'une allée je la rencontrai. Je rougis encore des pieds à la tête en tournant, par souvenir, le coin de cette allée et la plume tremble entre mes doigts. « Vous sortez de bien bonne heure, Miss Penlow, » lui dis-je. « Oh, je m'ennuie à la maison, » dit-elle. « Et Miss Marston est si absurde. Elle a les idées les plus étranges sur la nécessité que l'atmosphère soit bien purifiée avant que je sorte. Purifiée. » Ici, elle se mit à éclater du rire le plus mélodieux. Le dimanche matin, je ne joue pas du piano. Il faut bien faire quelque chose. Aussi, j'ai dit à papa hier soir que j'étais décidée à sortir. Et puis, c'est le plus beau moment de la journée, n'est-ce pas? Là-dessus, je pris mon envol à l'étourdie et je lui dis, ou plutôt je balbutiais, que le temps me paraissait magnifique pour le moment, quoique je le trouvasse bien sombre. Il n'y avait pas plus d'une minute. « Est-ce un compliment ?» dit Dora. « Ou si le temps est réellement changé ?» Je répondis en balbutiant plus que jamais que ce n'était pas un compliment, mais la vérité pure, quoique je ne me fusse pas aperçu du moindre changement dans le temps. « Je parlais seulement de celui que j'éprouvais dans mes sentiments, » ajoutai-je timidement pour achever l'explication. Je n'ai jamais vu de boucle pareille à celle qu'elle secoua alors pour cacher sa rougeur, et ce n'est pas étonnant, il n'y en a jamais eu de semblable au monde. Quant au chapeau de paille et au ruban bleu qui couronnait ses boucles, quel trésor inestimable à suspendre dans ma chambre de Buckingham Street si je les avais eus en ma possession. « Vous arrivez de Paris ?» lui dis-je. « Oui, » répondit-elle. « Y avez-vous jamais été ? Non. Oh, j'espère pour vous que vous irez bientôt. Cela vous amusera tant. Ma physionomie exprimait une profonde souffrance. Il m'était insupportable de penser qu'elle espérait me voir aller à Paris, qu'elle supposait que je puisse avoir l'idée d'y aller. Je me moquais bien de Paris, je me moquais bien de la France. Il me serait impossible, dans les circonstances présentes, de quitter l'Angleterre pour tous les trésors du monde. Rien ne pourrait m'y décider. Bref, j'en dis tant qu'elle recommençait à se voiler de ses boucles quand le petit chien arriva en courant le long de l'allée à notre grand soulagement. Il était horriblement jaloux de moi et s'obstinait à m'aboyer dans les jambes. Elle le prit dans ses bras, oh ciel, et le caressa sans qu'il cessât d'aboyer. Il ne voulait pas me laisser le toucher, et alors elle le battait. Mes souffrances se redoublaient en voyant les jolies petites tapes qu'elle lui donnait sur le museau pour le punir, pendant qu'il clignait des yeux et lui léchait la main, tout en continuant de grommeler entre ses dents d'une voix de basse-taille. Enfin, il se calma, je crois bien, avec ce petit menton à fossette appuyé sur son museau, et nous prîmes le chemin de la serre. « Vous n'êtes pas très lié avec Miss Murdstone, n'est-ce pas ?» dit Dora. « Mon chéri !» Ces deux derniers mots s'adressaient au chien. « Oh, si c'eût été seulement à moi !»« Non, répliquai-je, pas du tout. » « Elle est bien ennuyeuse, » reprit-elle en faisant la moue. « Je ne sais pas à quoi papa peut avoir pensé d'aller prendre quelqu'un d'aussi insupportable pour me tenir compagnie. Ne semble-t-il pas qu'on ait besoin d'être protégé ? Ce n'est pas moi, toujours. Jip est un bien meilleur protecteur que Miss Murdstone, n'est-ce pas, Jip, mon amour ?» Il se contenta de fermer les yeux négligemment pendant qu'elle baisait sa petite caboche. « Papa l'appelle mon ami de confiance, mais ce n'est pas vrai du tout, n'est-ce pas, Jip ? Nous n'avons pas l'intention de donner notre confiance à des gens si grognons, n'est-ce pas, Jip ? Nous avons l'intention de la placer où il nous plaira et de chercher nos amis nous-mêmes, sans qu'on aille à la découverte pour nous. N'est-ce pas, Jip ? » Jip fit en réponse un petit bruit qui ressemblait assez à celui d'une bouilloire à thé sur le feu. Quant à moi, chaque parole était un anneau de plus qu'on rivait à ma chaîne. C'est un peu dur, parce que nous n'avons pas une maman bien bonne, d'être obligée au lieu de cela de traîner une vieille femme ennuyeuse et maussade comme Miss Murdstone, toujours à notre suite, n'est-ce pas, Jip ? Mais ne t'inquiète pas, Jip, nous ne lui accorderons pas notre confiance, et nous nous donnerons autant de bon temps que nous pourrons en dépit d'elle, et nous la ferons enrager. C'est tout ce que nous pouvons faire pour elle, n'est-ce pas, Jip ? Pour peu que ce dialogue eût duré 2 minutes de plus, je crois que j'aurais fini par me mettre à genoux sur le sable, au risque de les écorcher et de me faire mettre à la porte par-dessus le marché. Mais par bonheur, la serre n'était pas loin, et nous y arrivâmes quand elle finissait de parler. Elle était remplie de beaux géraniums. Nous restions en contemplation devant les fleurs. Dora sautait sans cesse pour admirer cette plante, puis cette autre. Et moi, je m'arrêtais pour admirer celle qu'elle admirait. Dora, tout en riant, soulevait le chien dans ses bras par un geste enfantin pour lui faire sentir les fleurs. Si nous n'étions pas tous les trois en paradis, je sais que pour mon compte, j'y étais. Le parfum d'une feuille de géranium me donne encore, à l'heure qu'il est, une certaine émotion demi-comique, demi-sérieuse, qui change à l'instant le cours de mes idées. Je revois aussitôt un chapeau de paille avec des rubans bleus sur une forêt de boucles de cheveux et un petit chien noir soulevé par 2 jolis bras effilés pour lui faire respirer le parfum des fleurs et des feuilles de géranium. Miss Murdstone nous cherchait. Elle nous rejoignit alors et présenta sa joue disparate à la joue de Dora pour qu'elle embrassât ses rides toutes remplies de poudre de riz. Puis elle saisit le bras de son amie confidentielle et en avant, marche. Nous emboîtâmes le pas pour la salle à manger comme si nous allions à l'enterrement d'un militaire. Je ne sais pas le nombre de tasses de thé que j'acceptais parce que c'était Dora qui l'avait fait, mais je me souviens parfaitement que j'en consommais tant que j'aurais dû détruire à jamais mon système nerveux si j'avais eu des nerfs dans ce temps-là. Un peu plus tard, nous nous rendîmes à l'église. Miss Merston se plaça entre nous deux, mais j'entendais chanter Dora et je ne voyais plus la congrégation. On fit un sermon, sur Dora naturellement, et voilà, j'en ai peur, tout ce que je retirais du service divin. La journée se passa paisiblement. Il ne vint personne. On alla se promener, puis on dîna en famille, et nous passâmes la soirée à regarder des livres et des gravures. Miss Merston, une homélie devant elle et l'œil sur nous, montait la garde avec vigilance. Ah, Monsieur Spenlow ne se doutait guère lorsqu'il était assis en face de moi, après le dîner, avec son foulard sur la tête, de l'ardeur avec laquelle je le serrais en imagination dans mes bras, comme le plus tendre des gendres. Il ne se doutait guère lorsque je pris congé de lui le soir, qu'il venait de donner son consentement à mes fiançailles avec Dora, et que j'appelais en retour les bénédictions du ciel sur sa tête. Nous partîmes de bonne heure le lendemain, car il y avait une affaire de sauvetage qui se présentait devant la cour de l'amirauté et qui exigeait une connaissance assez exacte de toute la science de la navigation. Or, comme naturellement nous n'étions pas très habiles sur cette matière à la cour, le juge avait prié deux vieux Trinity Masters d'avoir la charité de venir à son aide. Dora, non moins matinale, était déjà à table pour nous faire le thé, et j'eus le triste plaisir de lui ôter mon chapeau du haut du phaéton pendant qu'elle se tenait sur le seuil de la porte avec Jip dans ses bras. Je ne tenterai point d'inutiles efforts pour dépeindre ce que la cour de l'amirauté me représenta ce jour-là, ni la confusion de mon esprit à l'endroit de l'affaire qui s'y traitait. Je ne raconterai pas comment je lisais le nom de Dora, inscrit sur la rame d'argent, déposée sur la table, comme un emblème de notre haute juridiction, ni ce que je sentis quand M. Spenlow retourna chez lui, sans moi. J'avais formé l'espoir insensé qu'il m'y ramènerait peut-être. Il me semblait que j'étais un matelot abandonné sur une île déserte par son vaisseau. Si cette vieille cour pouvait se réveiller de son assoupissement et présenter sous une forme visible tous les beaux rêves que je fis sur Dora dans son sein, je m'en rapporterais à elle pour rendre témoignage à la vérité de mes paroles. Je ne parle pas des rêves de ce jour-là seulement, mais de ceux qui me poursuivirent de jour en jour, de mois en mois. Quand je me rendais à la cour, ce n'était pas le moins du monde pour étudier les affaires. Non, c'était uniquement pour penser à Dora. S'il m'arrivait de donner un moment au procès qui se plaidait devant moi, c'était pour me demander, quand il s'agissait d'affaires matrimoniales, comment il se faisait que tous les gens mariés ne fussent pas heureux, car je pensais à Dora. Et s'il était question de succession, je considérais quelle démarche j'aurais faite si tout cet argent m'avait été légué pour obtenir enfin Dora. Pendant la première semaine de ma passion, j'achetais 4 gilets magnifiques, non pour ma propre satisfaction, je n'y mettais pas de vanité, mais à cause de Dora. J'ai pris l'habitude de porter des gants en paille dans la rue, et c'est alors que je jetais les premiers fondements de tous les corps aux pieds dont j'ai jamais souffert. Si les bottes que je portais dans ce temps-là pouvaient reparaître pour les comparer avec la taille naturelle de mes pieds, elle prouverait de la manière la plus touchante quel était alors l'état de mon cœur. Et cependant, estropié volontaire en l'honneur de Dora, je faisais tous les jours plusieurs lieues à pied dans l'espérance de la voir. Non seulement je fus bientôt aussi connu que le facteur sur la route de Norwood, mais je ne négligeais pas davantage les rues de Londres. J'errais dans les environs des magasins à la mode, je hantais les bazars comme un revenant, je me promenais en long et en large dans le parc, j'en étais éreinté. Parfois, à de longs intervalles et dans de rares occasions, je l'apercevais. Parfois, je lui voyais agiter son gant à la portière d'une voiture, parfois je la rencontrais à pied. Je faisais quelques pas avec elle et Miss Merston et je lui parlais. Dans ce dernier cas, j'étais toujours très malheureux ensuite de ne lui avoir rien dit de ce qui m'occupait le plus, de ne pas lui avoir assez fait voir toute l'étendue de mon dévouement dans la crainte qu'elle ne songeât seulement pas à moi. Je vous laisse à penser si je soupirais après une nouvelle invitation de M. Spenlow. Mais non, j'étais constamment désappointée car je n'en recevais aucune. Il fallait que Mistress Krupp fût une femme douée d'une grande pénétration, car cet attachement ne datait que de quelques semaines et je n'avais pas eu le courage, en écrivant à Agnès, de m'expliquer plus nettement qu'en disant que j'avais été chez M. Spenlow, dont toute la famille, ajoutai-je, se réduit à une fille unique. Il fallait, dis-je, que Mistress Krupp fût une femme douée d'une grande pénétration, car même dès le début de ma passion, elle avait découvert mon secret. Elle monta un soir, que j'étais plongée dans un grand abattement, me demander si je ne pouvais pas lui donner, pour la soulager dans une attaque de ses espasmes, une cuillerée de teinture de cardamome à la rhubarbe, parfumée de 5 gouttes d'essence de clou de girofle. C'était le meilleur remède pour sa maladie. Si je n'avais pas cette liqueur sous la main, on pouvait la remplacer par un peu d'eau de vie, ce qui ne lui était pas aussi agréable, ajouta-t-elle. Mais après la teinture de cardamome, c'était le meilleur pis-aller. Comme je n'avais jamais entendu parler du premier remède et que j'avais toujours une bouteille du second dans mon armoire, j'en donnai un verre à Mistress Krupp, qui commença à le boire en ma présence pour me prouver qu'elle n'était pas femme à en faire un mauvais usage. « Allons, courage, monsieur !» me dit Mistress Krupp. « Je ne puis supporter de vous voir ainsi, monsieur. Moi aussi, je suis mère. » Je ne saisissais pas bien l'application que je pouvais me faire de ce « moi aussi », ce qui ne m'empêcha pas de sourire à Mistress Krupp avec toute la bienveillance dont j'étais capable. « Allons, monsieur !» dit Mistress Krupp. « Je vous demande pardon, excuse. Mais je sais ce dont il s'agit, monsieur. Il y a une demoiselle là-dessous. »« Mistress Krupp !» répondis-je en rougissant. « Le bon Dieu vous bénisse !» « Ne vous laissez pas abattre, monsieur, » dit Mistress Krupp avec un signe d'encouragement. « Ayez bon courage, monsieur. Si celle-là n'est pas aimable pour vous, il n'en manque pas d'autre. Vous êtes un jeune monsieur avec qui on ne demande pas mieux que d'être aimable, monsieur compère-fils. Il faut seulement que vous vous estimiez à ce que vous valez, monsieur. » Mistress Krupp ne manquait jamais de m'appeler « Monsieur compère-fils ». D'abord, sans aucun doute, parce que ce n'était pas mon nom. Et ensuite, peut-être en souvenir de quelque baptême où le parrain l'avait choisi pour sa commère. « Qu'est-ce qui vous fait supposer qu'il y ait une demoiselle là-dessous, Mistress Krupp ?»« Monsieur compère-fils, » dit Mistress Krupp d'un ton de sensibilité, « moi aussi je suis mère. » Pendant un moment, Mistress Krupp ne put faire autre chose que de se tenir la main appuyée sur son sein nankin et de prendre des forces préventives contre le retour de ses coliques en sirotant sa médecine. Enfin, elle me dit « Quand votre chère tante loua pour vous cet appartement, monsieur compère-fils, je me dis « J'ai enfin trouvé quelqu'un à aimer. Le ciel en soit loué. J'ai enfin trouvé quelqu'un à aimer. » Voilà mon expression. Vous ne mangez pas assez, monsieur, et vous ne buvez pas non plus. Est-ce là-dessus que vous fondez vos suppositions, Mistress Krupp ? Demandai-je. Monsieur, dit Mistress Krupp d'un ton qui approchait de la sévérité, j'ai fait le ménage de beaucoup de jeunes gens. Un jeune homme peut prendre trop de soin de sa personne, ou bien n'en prendre pas assez. Il peut se coiffer avec trop de soin ou ne pas même faire sa raie de côté. Il peut porter des bottes trop larges ou trop étroites. Cela dépend du caractère. Mais quelle que soit l'extrémité dans laquelle il se jette, dans l'un ou l'autre cas, monsieur, il y a toujours une demoiselle là-dessous. Mistress Krupp secoua la tête d'un air si déterminé que je ne savais plus quelle contenance faire. « Le monsieur qui est mort ici avant vous, » dit Mistress Krupp. « Eh bien, il était devenu amoureux d'une servante d'auberge et aussitôt, il fit rétrécir tous ses gilets pour ne pas paraître gonflé comme il était par la boisson. « Mistress Krupp, » lui dis-je, « je vous prierai de ne pas confondre la jeune personne dont il s'agit avec une servante d'auberge ou avec toute autre créature de cette espèce, s'il vous plaît. » « Monsieur compère-fils, » repartit Mistress Krupp, « moi aussi je suis mère, et ce que vous dites là n'est pas probable. Je vous demande pardon de mon indiscrétion, monsieur. Je n'ai aucun désir de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vous êtes jeune, monsieur compère-fils, et mon avis est que vous preniez courage et que vous ne vous laissiez pas abattre et que vous vous estimiez à votre valeur. Si vous pouviez vous occuper à quelque chose, monsieur, dit Mistress Croupe, par exemple, à jouer aux quilles, monsieur, c'est une jouissance. Cela vous distrairait et vous ferait du bien. À ces mots, Mistress Croupe me fit une révérence majestueuse en guise de remerciement pour ma médecine et se retira en feignant de prendre grand soin de ne pas renverser l'eau-de-vie qui avait complètement disparu. En la voyant s'éloigner dans l'obscurité, il me vint bien dans l'idée que Mistress Croupe avait pris là une singulière liberté de me donner des conseils. Mais d'un autre côté, je n'en étais pas fâchée. C'était une leçon pour moi de mieux garder mon secret à l'avenir.